Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal ? Ah bon ? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle ? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman ? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues. Il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison.